Il avait deux pieds dans un sabot et tombait sur le dos. Il avait la bouche qui disait trop et fourchait sur les mots. Il avait un frère moitié bargeau qui comptait les moineaux. Il avait des fleurs sur ses godillots et sentait l'abricot. Pardonne-le, il n'est qu'à l'imparfait. Pardonne-le enfin, et je m'en vais. Il avait des taches sur ses futales et cassait du vandale. Il avait les yeux en forme d'étoile et voyait dans les failles. Il avait quelques instants de joie et riait jusqu'au larmes. Il avait du temps dans ses sandales et marchait vers le large. Pardonne-le, il n'est qu'à l'imparfait. Il avait sans doute une pauvre vie et pleurait dans son lit. Il avait